Ici Yvan Ponton. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Tout bang. Tout bang? On est tout prêt? Tout bang. Ouais. Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Yeah! Devant public! Oh oui, toujours au bar, les passages, tous les deuxièmes mardis du mois. Ici Frédéric Barbouchi en compagnie de notre invité de la semaine, Jean-Philippe Lowe. Hey, bonsoir, bonsoir, pas de problème. Jean-Philippe Lowe, entre autres du pornographe et réalisateur à Radio-Canada. Oui. Père de deux enfants, oui. Donc, quelqu'un... La balado-diffusion précédente. T'as pas été capable de clouer le bec à personne? Non, c'est ça. OK. Mais merci d'être avec nous. Hey, ça fait plaisir. On a aussi Martin Boily. Et salut Jean-Philippe. Salut Frédéric. Salut. Et Mathieu Bouillon. Oh. Vol, vol, petite sœur. Oh, hey, c'est... Ah. C'est, hein? Oui, Jean-Philippe, tu connais pas Mathieu Bouillon, hein? Ah, ben je l'ai écouté à quelques reprises, ce podcast-là. Oui, oui, oui. Ouais. Non, mais Jean-Philippe nous suit quand même, je crois. Oui, oui, oui. Je suis flatté d'être là à côté de toi, Mathieu. Yay! Ça fait énormément plaisir, moi aussi. Attends, tes mots exacts étaient « ce gars-là a pas de classe ». Oui, mais ça, c'était... non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, pas de problème. Peu, je vous rappelle, pas de problème, balado-diffusion à votre service, hein? Fait par des gens pas serviables. Donc, vous nous proposez un problème, on vous fournit des solutions à propos ou et où loufoque. Et donc, à vous de choisir par la suite. Mais pour ça, vous devez nous proposer vos problèmes, soit sur Facebook, Twitter ou encore par courriel, podproblème@gmail.com. Et Antoine est toujours en Grèce. Ben oui, je suis surpris. De... Oui. C'était lui, en fait, que je voulais rencontrer. Il est en Grèce toujours, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais là, tu le reconnaîtrais peut-être pas, il est rendu tellement gros. Ouais. Mais je vais te le dire, en vrai, C'est décevant. Oui, c'est décevant. Donc, voilà, donc nous, cette semaine, on s'attaque à quel problème, Martin? Oui, on s'attaque à un problème qui nous vient de... On n'a pas de nom encore, hein? On a-tu un nom? Oui, je pense que c'est Francine B. Francine B. Exactement. Qui nous vient de Francine B, qui va comme suit. Cher, pas de problème. Dans ma classe, il y a une fille qui pose toujours des questions niaiseuses et ça m'énerve, et pas juste moi. Mais tout le reste de la classe. Exemple, si la prof dit quelque chose, elle confirme ce que la prof dit, mais en imposant sa propre idée et quelquefois, elle s'obstine avec la prof. Oh. Ben voyons donc. Donc, la professeure est obligée de sortir plein d'autres exemples. Cela nous fait perdre du temps fou et c'est très dérangeant. Comment lui dire de se taire sans la blesser? Je tiens à dire que Francine B fait partie de l'un des 10 problèmes que Véronique Langelier nous avait apporté. Oui! Ah oui, oui, oui. Quand elle est venue enregistrer tout seule avec nous, elle nous avait proposé 10 autres problèmes des gens de son entourage. Et ça, ça fait partie de la liste. Je pense que Véronique est professeure. Non, non. Non, mais voilà. Donc, c'est un de ces problèmes-là. Et je pense que... Mathieu, tu as quelques informations? Oui, écoute, j'ai fouillé les livres, les registres, et j'ai trouvé que... Oui, je t'ai vu à la bibliothèque, d'ailleurs, cette semaine. Ah oui, j'étais dans les microfiches, écoute. Et j'ai trouvé que l'université de Nancy avait un programme de maîtrise dédié aux questions stupides. Donc, premièrement, j'ai trouvé la définition du mot « stupide » qui manque de finesse, d'intelligence et de jugement. Hein? Mm-hmm. Déjà... C'est une bonne base. Bon. Ensuite, j'ai essayé, moi, de catégoriser les types de questions niaiseuses en classe. Donc, je suis arrivé avec 4 types. Premier, les questions qui servent juste à plugger une tranche de vie. Tu sais, mettons, la fille a fait... Oui, moi, quand je travaillais au service des loisirs de la ville, j'avais plusieurs affaires à m'occuper. Pourquoi c'est Christophe Colomb, mettons? 2. Les questions qui abordent de la matière déjà vue il y a 1000 ans. T'sais. Oui, j'aimerais revenir sur ce qu'on a vu il y a 3 ou 4 cours. C'est quoi votre nom exactement? Bon. Ensuite, les questions posées uniquement pour séduire le professeur, du genre « Oui, bon, si on parle de, mettons, là, la terre, là, ok, puis là, genre, elle se roule, mettons, les cheveux. » Et finalement, quatrième, c'est les questions qui contiennent déjà la réponse à la question. Mmh. Comme les journalistes du Canadien. Oui. Exactement. Oui, genre, est-ce que c'est parce que blablabla, tu sais, puis c'est full long. Fait que voilà. Hey, j'avais aussi identifié un autre phénomène, c'est qu'une question niaiseuse dans une classe peut ne pas l'être dans une autre classe. Mettons, t'es dans un cours au secondaire en FPS, puis qu'un kid demande c'est quoi la sexualité, ben il va faire rire de lui, la question niaiseuse. Mais s'il est comme en troisième année du conservatoire d'art dramatique ou en psycho, puis qu'il demande c'est quoi la sexualité, ben là c'est l'élève le plus brillant de la classe. Donc, une de tes solutions serait de changer la fille de classe. Oui, exactement. Et de la mettre de programme. Voilà. Et finalement, dernier fait que j'ai trouvé, c'est que je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre les gens plus vieux qui font un retour aux études et les hosties de questions niaiseuses. C'est vrai, ça. Ouais, tu sais, c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai fait un certificat en art plastique et c'est drôle parce qu'il y avait vraiment deux tranches. Il y avait les jeunes qui n'avaient pas été acceptés dans leur programme initial. Mm-hmm. Et il y avait les matantes qui voulaient faire du Mod Podge. Et c'est drôle, ça se transformait en une émission de matinée avec les petites madames qui faisaient « Mais là, si tu veux faire ta patine là, sur un cadeau, par exemple. » Et c'est ça, on quittait à ce moment-là la classe. Donc, une solution possible, quitter la classe quand cette fille-là pose la question. Tu te lèves, tu fais... Bonsoir! Mais peut-être s'arranger avec tout le reste de la classe pour à chaque fois qu'elle lève la main, qu'elle commence la question, tout le monde se lève en même temps et sort de la salle. C'est drôle. Puis revient quand elle a fini de poser sa question. Oui. Mais toi, Jean-Philippe, je pense que t'as fait la demande sur... J'ai fait la demande sur Twitter. Là, il y a Jérémy McEwen, qui est professeur justement au Cégep, qui dit... pour ma part, bon, ça m'arrive de souligner que la question est davantage preuve d'insécurité que d'autres choses. C'est quand même assez sérieux. Il dit aussi que, au cégep, mes étudiants souvent soupirent et ça fait la job, finalement. Ah oui. Mais moi, j'ai consulté là, mes collègues et tout ça au travail aujourd'hui, et ils me disaient que, tu sais, on vit dans une époque où l'intimidation, la cyber-intimidation, c'est quelque chose de très efficace. Oui. C'est pas une cause qui est très populaire encore aujourd'hui. Et peut-être que, comme d'autres causes, à force de lutter pour cette cause-là, ben elle deviendra populaire un jour. Et avec les nouvelles technologies, ben c'est peut-être possible justement de, je sais pas, se partir en espèce de blog. Cette fille pose des questions niaiseuses.wordpress.com. Et de mettre des gifs animés ou des photos, par exemple, dès qu'elle lève la main, on fait des petits clips Vine et tout ça, et on met ça là, au fur et à mesure, je pense que ça pourrait faire. Répertorier les pires questions. Exactement, oui. Ça, je pense que c'était très populaire. mais sinon, c'est ça, ça dépend, je ne sais pas, lui suggérer de devenir ami avec du monde intelligent. Ah oui? Comme par exemple, Normand Baillargeon. OK. Ça, je pense que ça pourrait faire la job. Donc, à un moment donné, la fille pourrait finir à cesser de poser des questions niaiseuses. Je veux dire, elle serait amie avec Normand Baillargeon quand même. Ou Yannick Villedieu, un collègue. Oui. Avec les Amis Lumière. C'est tout ça. Oui. L'historien Yves Gingras. Oui, puis s'ils sont dans la classe avec elle, ils vont pouvoir faire « Tchut, tchut, on va te l'expliquer tantôt. » Exactement. Donc, collègue de cette personne-là dans la classe. Mais juste cette solution-là, « Tchut, tchut, je vais te l'expliquer tantôt. Mm-hmm. » Tu sais, tu lui fais signe. Mm. Puis tu y expliques pas, là, tu fais juste un... Tu t'en vas. Non, c'est une solution possible. Oui, puis ça peut même se terminer en belle nuit d'amour. Crise et opportunité, Mathieu. Oui. C'est vrai, ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Sinon, j'écoute vos podcasts depuis, je ne sais pas, là, c'est local ou metteur en ordre, depuis plusieurs semaines, et je trouve que ça manque de vedettes dans cette... voyons donc. Bon, on a Mathieu Bouillon. Ouais. Mais là, je me suis dit, moi, je travaille à Radio-Canada, ça fonctionne beaucoup comme ça. Hein? On aime plugger des vedettes dans plein de shows. Je me suis dit que j'allais me promener avec mon micro comme ça à Radio-Canada hier. Et je me suis dit, je vais y aller par étapes. OK. J'ai croisé d'abord Philippe Émiou. Oui. Je lui ai posé une question. En fait, je lui ai proposé ce problème-là et je lui ai demandé de nous trouver une solution. C'était pas très bon. Donc, j'ai essayé d'éditer la patente. Ça a pas fait la job. Fait qu'on l'écoutera pas. On l'écoutera pas. Par contre, j'ai trouvé mieux ou pire, je sais pas trop. Oui. Le sympathique Guy Daou, qui fait les sports à la télévision de Radio-Canada. Une grande vedette. Mais on y va par étapes. Mais je trouve que ça manque. Puis, ben c'est quand même Guy Daou qu'on l'écoute. Oui. Toute seule, elle va y arriver difficilement, mais si elle met les autres étudiants de son côté, il s'agit de se regrouper. Et puis, au signal donné, quand la question est posée, on se retourne tous unanimement et on lance un grand soupir. Et puis, ça ne peut pas faire autrement que comprendre. Après, au-delà de ça, on peut toujours lancer des craies. Puis, en troisième lieu, il y aurait les brosses qui sont plus salissantes encore, quoique moins précises. Mais la première solution devrait faire le travail. Ils ont ri à la bonne place. C'est bien. Non, mais je trouve que ça pimpe un peu le podcast. Non? Guy. Non, moi, je suis un grand fan de Guy, pour vrai. Oui. Ouais. Bon, on est tous des fans de Guy ici. Ouais. On n'en parle pas souvent dans les podcasts, mais souvent après, on n'arrête pas. Pas assez. C'est vrai que votre terme vient de Guy Daou. Oui, c'est exactement. Oui. C'est lui qui l'a composé. Oui. Alors, mais c'est ça, donc je me disais que ça manquait à votre émission, ça, des petits. Je trouve que la solution. Bon, on je pense que tu disais qu'il manquait de vedettes, puis je pense que tu as trouvé la plus grande vedette qu'on pouvait avoir. Mais allons-y par étapes. Oui. Allons-y par étapes. Oui. OK. Qui? Bon. Mais on a une solution. Oui, j'ai une grande solution. Qui est notre ami qui est une vedette aussi, là. Oui. moi, c'est ça, d'un côté, moi, je suis pas la conciliation. Alors, c'est sûr que d'un côté, une solution à la personne qui pose une question niaiseuse, c'est de dire « ferme ta gueule ». Ouais. Il y a l'autre affaire adverse, c'est que tu pourrais dire aussi bien tant qu'à trouver la gueule, essaye de trouver une solution intelligente. C'est ça. Mais, en troisième, ce que je me dis, c'est « OK ». À marcher avec la prof, qu'on te colle le cul avec la personne qui est la plus intelligente de la classe, puis OK, me demande, dis donc, ton assentiment avant d'ouvrir la gueule. OK. Oui! Moi, je pense que c'est la solution. Guy! Non, c'est bon, c'est bon. Je pense que on va closer. Il était-tu marqué, lui? On a la foule de son. Oui, mais c'est ça, c'est sûr que... Mais distraire la personne, moi, c'est une de mes solutions préférées. Ben, en fait, une piste de solution, c'est distraire la personne. Dès qu'elle lève son bras, là, tu est-ce qu'on peut t'aider? Tu mets un petit laser, un petit pointeur laser dans le fond du prof. Puis là, elle fait, oui, j'ai une... Hein? Puis là, elle perd tous ses moyens parce qu'elle fait, voyons, c'est quoi ce petit point-là? Il y a un sniper ou quelque chose? Oui, et là, tu touches à quelque chose, Frédéric. Là. Oui, non, mais distraire la personne juste au moment où elle pose la question pour qu'elle, justement... Non, mais essayer de l'empêcher de lever son bras. Oui! Casse-y le bras. Mais non, mais si à chaque fois qu'elle l'amorce le mouvement, tu t'assois à côté d'elle, tu donnes un coup de poing dans les côtes, elle, peut-être qu'elle va enregistrer là, cognitivement le fait qu'il ne faut jamais qu'elle lève son bras, sinon elle a très mal aux côtes. Oui. Mettre une lampe au-dessus de la personne. Pour pas que le bras se lève. Si elle lève la main, elle se pète la main. Mais oui, Stéphanie, c'est ça qui vient de t'arriver, hein, c'est ça? Oui, n'autoriser que les manchots dans la classe. Oh! Ah oui, c'est bon, ça. Ouais. Cours de manchots. Oui. On ne pourra pas lever la main. La même chose, c'est pas comme faire croire à la fille que la mode, c'est les chandails super serrés. Vous savez, on ne peut pas lever sa main, c'est comme trop serré son linge. Oui! Ouais, c'est bon ouais. Aussi. C'est bien laborieux d'essayer de faire croire au monde seulement de ta classe que la mode, c'est des chandails super serrés. Ouais. Mais il y a de quoi. Tu portes encore des chandails. Moi, je porte une poche de jute avec un trou pour la tête. Peut-être faire une pétition dans la classe qui dit « Quand tu lèves ton bras, Julie, ça sent mauvais. » Ouais. Ou sinon, c'est peut-être aller voir le prof en début de cours et lui dire « Écoute, je suis l'intervenant social de Julie. Elle souffre du syndrome Gilles de la Tourette. Elle est truffée de tics. Comme, elle lève le bras souvent. Faut pas y porter attention. » Ben, tu vois, un peu dans ce sens-là, je me disais, bon, ce que vous appelez crise opportunité ici, là. L'idée, c'est chercher à comprendre pourquoi elle pose des questions niaiseuses. Donc, demander au professeur... Selon vous, pourquoi elle pose des questions niaiseuses? Et puis, bon, moi, je suis sociologue de formation. Si, par exemple, on est dans un cours de sociologie, ben, tu peux en profiter comme professeur pour introduire le concept d'égalité des chances. Tout le monde n'a pas eu les mêmes chances. Tout facile comme genre les autres et tout ça. Donc, c'est une opportunité, Ou lui servir sa propre médecine, lever la main, poser une question encore plus niaiseuse pour être bien sûr. Je me disais, reformuler sa question à elle. Tu sais, en d'autres mots. Ouais. Mais la même chose, mais tu le fais sérieusement. Puis là, elle a fait « Ben, écoute, t'es en train de me niaiser. » Mais t'as arrangé pour que le reste de la classe fasse « Ah, ouais. » Quitte à se déguiser en Julie pour que ce soit encore plus méprisant. Ben, là, on va dire qu'elle s'appelle Julie. OK, là, OK, OK. Ça, ouais. Je comprends. Je savais pas qu'on l'appelait Julie. On l'appelle Julie depuis tantôt, me semble, non? Ah oui? Ouais. Ouais. Ben, ça... Mais sinon, bon, on parle de questions niaiseuses. Il y a, bon, des formations aussi professionnelles. À Radio-Canada, il y a une émission qui s'appelait 275 Allô. Moi, j'ai commencé là, Radio-Canada. C'est toi qui faisais le chef? Ça, non, c'était si moi. Tu veux, je te le fais entendre. Mais, on l'a avec nous. Mais je me dis... Mais Kim, Normand Brathwaite dans la précédente balado diffusion, chef. Crazy Frog aussi. Non, mais faire renaître cette émission-là de 700 calos, d'abord, ça me donnerait une job à l'automne. Et sinon, ben c'est ça, je veux dire, cette personne-là pourrait appeler et poser ses questions niaiseuses à chef et peut-être Annie Desrochers, supposant qu'elle serait de retour à l'animation de cette émission-là. Et finalement, elle serait tranquille, ses collègues en classe. Mais Annie Desrochers fait pas un 33e bébé en ce moment, non? OK. Bon, des insights de Radio-Canada. Mais t'avais de quoi, Mathieu? Non. Mais non, c'est parce que moi, je me disais, ça dépend si le prof est de ton bord ou pas. Mm-hmm. Ouais. Si le prof est de ton bord, tu vas le voir ou la voir, tu lui parles de ce problème-là. Puis tu essaies d'avoir le prof qui, à chaque fois que la personne pose une question, le prof fait... la personne fait « Ça va? Oh oui. » Il faudrait qu'il y ait ta face en faisant ouais, le bruit. Oui, c'est une phase de « je fonds un peu ». ». Mais j'utilise pas mes muscles de face. Mais non, ou quelque chose d'autre. Là. Mais juste que le prof vraiment fait des bruits de bouche là, avec en train. Si on veut clouer le bec de la fille, peut-être qu'on peut l'embrasser sous un 2x4 encore une fois. Oui, cette méthode-là marche là, à date pour les deux problèmes où il est question de clouer le bec. Là. Oui. Sinon, j'ai trouvé en faisant des recherches aussi un site web qui s'appelle lecoleporlesnuls.forumactif.com. Malgré son nom, forumactif.com, il n'y a qu'un membre enregistré et seulement 5 messages. Mais enfin, ça peut... c'est très beau quand même. Ouais. Oui, c'est bien fait. À mettre, en fait, c'est l'école pour les nuls à mettre entre toutes les mains. Donc, ben voilà, c'est ça. Je pense que ça, on peut lui suggérer ça. Sinon, j'avais trouvé aussi autre chose, parce que j'ai quand même aussi préparé. Ah oui, donc, lui donner l'adresse d'un autre site Internet, question.com. Et là, on va aller voir ça. Question.com? Question.com. Parce que toute question mérite une réponse. Mais là, ces Asiatiques sont pas vêtus. Pour vous dire, il y a des bannières extrêmement cochonnes / racistes. C'est vrai, c'est ça le fait. Ah, t'as cliqué là-dessus. Non, man! Oh, OK. Bon, ça va coûter, ça va coûter du On va éditer le podcast. Mais donc, on peut poser nos questions. Okay. Il y a malheureusement très peu de réponses. Mais encore là, l'initiative, on le dit, garde, plutôt que de poser ça dans la classe, il y a quelque chose qui s'appelle les internets. Des questions comme si on mange bio, est-ce qu'on fait des caca bio? Voilà. Ouais, c'est ça. Bonne question à poser. Aucune réponse pour le moment. Tu pourras peut-être y répondre après le podcast. Oui. Mais j'ai hâte. Mais sinon, il y en avait une très drôle, était où? Donc, peut-on ramasser la nuit qui tombe? Quand même. Oh. Sinon, peut-on s'asseoir sur un banc de poisson? Et là, il y a une réponse. Oui, à condition qu'il ait été construit suivant la fiche technique. Oh! Oh! Celle-là, elle est pour toi, Mathieu. Elle est pour moi. C'est magnifique. Alors, question con.com qu'on peut lui refiler comme adresse de site web. Alors... Mathieu, Oui. Je pense que de crier des choses à la fille, c'est une solution possible. Crier des choses pendant la question? Et si je connais quelqu'un qui peut crier des choses comme il faut, c'est toi. Ça, c'est bien moi. Écoute, qu'est-ce que je lui crierais? Que tu l'aimes! Je t'aime! Ça, c'est drôle! Ça coupe, hein? Oui, ou organiser un flash mob dans la classe. Tu sais, comme on se met tout à chanter « Can't take my eyes off of you » pour détourner l'attention. Mais un mouvement de masse, moi, je pense que c'est une des solutions possibles. Oui. De justement s'entendre avec tout le monde, ou du moins ceux qui en peuvent plus, et de faire... mais je sais c'est pas. Drôle. Juste de faire « Ouais! Mm-hmm. Ouais! » C'est drôle. Ou genre, non, ce qui peut être drôle, après sa question, c'est que quelqu'un commence à applaudir lentement. Puis là, tout le monde se met à joindre. On se lève debout, puis ouais, voilà. Ben, tu vois, ça me fait penser, c'était une autre crise d'opportunité que j'avais notée. C'est en fait, juste retrouver le truc, c'est en fait... Profiter de cette occasion-là pour, quand elle pose une question, transformer ça en compétition, finalement, dans la classe, et faire de ça un jeu questionnaire. Et donc, le premier que la réponse fait un bruit de buzzer avec la bouche, donne la réponse, et il y a peut-être en elle, je ne sais pas, une job d'animatrice de quiz qui pourrait surgir. Crise d'opportunité. Exactement. Clairement. Sinon, j'avais aussi pensé profiter du fait qu'elle semble avoir une culture générale limitée pour lui refiler comme ça discrètement une carte de membre de la Coalition Avenir Québec, peut-être, ou du réseau Liberté Vision Montréal. Non? Bon, enfin. Non, non, c'est bon, c'est bon. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais dans cours de sociologie, assurément, ou du réseau Liberté Québec. À chaque fois qu'elle pose une question, tu pars un petit klaxon ancien. Papa, papa, papa. Oui. Oui, on a des solutions dans la salle. C'est quasiment une vraie solution, c'est sûr que ça s'en vient. À l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, il y a une alternance homme-femme dans toutes les interventions. Donc, si c'est une femme, elle a au maximum une intervention par contre, si tous les hommes sont d'accord pour ne pas parler. Okay. C'est bon ça. Oh, oui, c'est ça, bon ça. Puis tu t'arranges avec une femme pour qu'il pose une question avant elle. Ah, une vraie question. Bing! Ou une question qui se répond par oui. Oui. Yes. De nos jours, tout le monde en classe ont devant eux leur propre laptop. Oui. Et tout le monde est connecté sur Facebook et Twitter comme ça. Il existe le site web Let Me Do It For You. Let Me Do It For You? Oui, lorsque quelqu'un t'envoie un lien, tu peux faire letmegrowitforyou.com/. Dans l'affaire, tu envoies la fille, ta réponse est Google, elle n'a pas de question. Donc, OK. Juste montrer, hey Google, là. Oui. Tu réponds à ton problème, sans que tu lèves ta main, parce que c'est pas tout le monde. Google va te répondre à toutes tes problèmes dans la vie. Ouais. Sauf si tu n'as pas de problème, évidemment. Ou, tant qu'à être sur Internet, la poker. Tout le monde la poke en même temps. Ouais. Oui, ça, c'est bon. Ou si tout le monde a un laptop, on peut y crisser nos laptops par la tête. Moi, ouais. Personnellement, je garderais mon Mac. Tout le monde a un vidéo de chat en même temps. Oui. La fille avec une bulle, puis la bulle elle ne peut plus rien, plus gérer, ouais. Ouais, la texter à chaque fois qu'elle amorce une question, je suis sûr qu'elle va faire vibrer le pantalon. Je suis sûr que le texto pour elle va être plus important que sa question. T'es belle. Ouais. Ouais. Ouais. Non, je mais juste un smiley, là, juste pour que ça buzz dans ses pantalons. Ouais. Lui texter des menaces de mort anonymement. Crève, t'es belle. Crève que t'es belle. Crève que t'es belle. C'est Fanny. Oui. Oui, ouais. Samuel l'a tué. Mais ouais. Ça, je pense qu'on a un podcast, Le Crime Parfait, c'était le 163, je pense. Oui. Parce qu'on n'a pas réussi. Mais Mathieu... Tu cognes la tête sur le micro. Non, le nez sur le micro. Ben, arrête de mentir, Mathieu! Oui. Sinon, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Mm-hmm. J'ai demandé, avant de m'en venir à ma plus vieille, qu'est-ce qu'elle fait, elle, quand, en maternelle, il y a justement... Là, ça commence là. Ah, ouais, c'est bon. Ça, une amie là, qui pose une question niaiseuse, et elle m'a dit, je le fais jamais, mais j'ai toujours le goût de lui frapper les fesses très fort. Oh! Frapper les fesses très fort? Pourquoi il n'y a pas pensé avant? Ouais. Attends, peut-être qu'à cet âge-là, elle va juste poser plus de questions. Mais ouais. Puis j'ai vraiment voulu l'enregistrer pour le diffuser, mais il n'y avait rien à faire. Guy! T'aurais dû demander à Guy de prendre une voix petite fille. Oui, mais la prochaine fois, peut-être. Hey, si c'est ça. Mais c'est ça, je disais. Ça commence jeune, ça aussi. Ouais. Ouais. Messieurs, d'autres solutions? Écoute, moi, après frapper des fesses très fort, surtout que ce soit des fillettes de maternelle. Mais dans ce cas-là, on après est. Après nous dû, avoir montré des Asiatiques sur ton ordinateur, Jean-Philippe. Oui, d'ailleurs, le pop-up est toujours là. Hein. Moi, je savais pas comment. Oh, Easy Flirt! oui! Voulez-vous rencontrer petite coquine? Ah, ouais! Elle est à Montréal, man! Oh, oui, t'as l'air. On va lui dire les passages. Si vous voulez vous approcher pour regarder de la porn avec nous, sentez-vous libre. Je pense que c'est ça que je vais faire pour les prochains podcasts. Je vais essayer de flirter du monde sur des sites. Dire « Viens me voir au passage. » Viens me voir ici. Je vais donner le nom de quelqu'un qui est dans la salle en ce moment. Nice. Mais, ouais, hey, vos solutions préférées, les gars? Moi, c'est le blog méchant. Le répertorier les questions niaiseuses à travers la province. Donc, l'intimider solidement. Ouais. Cette fille pose des questions niaiseuses. WordPress.com. J'ai acheté le nom de domaine. Pour vrai? Ouais. OK. Parce qu'il y a aussi, il y avait eu Shit My Dad Says. Là, ouais. Les affaires de même. Mais c'est, ça, ils vont peut-être faire un sitcom après avec. Qui sait? Oui, oui, oui. Martin? Oui, moi, attends un peu, j'ai un invité qui vient me voir. On a un invité surprise! Mm-hmm. Oui, tu veux dire de quoi? Parce qu'on est en train d'enregistrer un podcast! Oui, parfait, pas de problème. Moi, ma réponse, ma solution préférée, excusez-moi, je retrouve mes idées, je l'avais juste avant qu'il me dérange, c'est d'y aller à la source, en fait, soit le laser en dessous du bras pour qu'elle se mette à courir après le laser comme un chat et t'envoie le laser jusqu'à la sortie de la classe, soit lui donner un coup de poing dans les côtes ou encore soit lui envoyer un message texte à chaque fois Donc, pour s'assurer qu'elle pose jamais de questions. Mais juste une petite intervention ici me fait penser à peut-être de dire à tout le monde, si jamais ils ont une question cette journée-là, d'aller la poser à l'oreille du professeur. Oui, c'est comme toujours ça, bon. Elle va faire « Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse! » Puis là, tout le monde va voir le professeur. Ouais. Mathieu? Moi, je l'ai dit parce que j'en préfère. Ah oui, c'est le blog méchant. Hein, oui, non, mais la texter, moi, j'aime bien la texter pendant qu'elle parle. Moi, c'est clairement la carte de la CAQ. Ah! Moi, c'est vraiment... Bing! Moi, j'assume. Solide. Moi, j'assume. Puis une carte prépayée, même. Oui. Je demande quoi pour la CAQ pour empêcher les bureaux de pension, j'ai rien. Voilà. Vous avez des solutions ou des solutions préférées ou des solutions à nous proposer, venez pas nous voir sur stage. Allez sur Facebook ou écrivez-nous sur Twitter ou encore... d'ailleurs, sur Twitter, on a eu... il y a encore mon frère qui est là. si elle est cute, tu lui dis d'arrêter de poser des questions et que tu vas l'aider après. Sinon, tabarplotte ta gueule. Oh! Tabarplotte ta gueule. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. C'est notre juron préféré pour ceux qui ne savaient pas. Est-ce qu'on avait parlé de Jérémy? Ouais, mes collègues au travail étaient très violents pour proposer la cyber-intimidation. Sinon, on n'en a pas parlé de ça, mais oui. Donc voilà, continuez à nous suivre de semaine en semaine. La semaine prochaine, nous aurons Louis Courchêne, meilleur compteur de la Ligue nationale d'improvisation 2013. Récipiendaire de plusieurs trophées, mais qui sera avec nous. N'oubliez pas de voter pour le concours de T-shirt le 11 juin. Prochain enregistrement devant public ici même au bar Les Passages. Merci Les Passages. Merci Martin Boilly-Boileau. Merci à messieurs. Merci baladoquebec.ca. Nos amis, nos co-podcasteurs là, avec qui on partage les ondes et iTunes. Et n'oubliez pas de voter pour nous sur iTunes Store. 5 ou rien. Sinon, on débarque chez vous puis on vous pointe un laser en dessous du bras. Ou une carte de la CAQ. Oui. Guidaou, merci. Merci à Guidaou. Merci. Guy. Et si vous voulez aider Guy, et pas de problème, allez sur l'instab.com, l'instab, pas d'apostrophe. Il y a un petit bouton écrit, c'est ça. Vas-y, Fred. Cliquez dessus, c'est faire un don à pas de problème. Vous choisissez ce que vous voulez. 5 ou rien. Mm-hmm. Oui, 500$ ou rien. Et... d'ici la semaine prochaine, est-ce qu'on a des choses à ajouter, messieurs? Non, mais je vois que Mathieu est en train de chercher le mi-brun sur Internet depuis tantôt. C'est pas hein? Et je suis déçu, t'as fait très peu de jeux de mots, Mathieu. Mais oui! Ah, oh, ça doit être ça! Ok. Okay. Cherche vraiment ça. Moi, je voulais apporter le livre des meilleures blagues de Michel Baudry pour te le remettre. Oh! Nous l'avions au Spornographe pendant 4 ans et je ne l'ai pas trouvé dans mes boîtes. J'ai toujours pensé à toi. Mon père spirituel. Oui. Michel, conseil. Ben, la prochaine fois. Peut-être. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'être venu. Merci, les gars. Merci à vous, public. Mm-hmm. On se revoit la semaine prochaine pour le 167. Oh! Ouais! Et le mot de la fin, Jean-Philippe. Vous avez un problème? Nous avons un podcast live! Personne qui pose une question niaiseuse, c'est de dire ferme ta gueule.